Te souviens-tu que je ne peux vraiment rien sans toi? Tu es ma vie et pitié. Reviens-moi, je t'en supplie, avec toi. Tu es à moi, avec toi je suis si bien.